Vous écoutez un podcast Galaxy Pop, explorateur d'univers, vecteur d'émotions. La flamme vacille, les ombres dansent, le voyage continue. Dark Souls 2. Il y a des lieux qu'on ne traverse pas. On y glisse, on y flotte, on flotte tous en bas. Et on y coule parfois. Le sanctuaire d'Amana est de cela. Quand l'ascenseur s'est immobilisé, je n'ai pas ouvert les yeux tout de suite. J'ai senti l'humidité et l'odeur de la mousse. Et puis j'ai entendu des voix. Bousse. Un chant lointain. Pas humain, mais pas tout à fait inhumain non plus. Apaisant comme une berceuse et un peu triste aussi, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Et puis j'ai avancé. Ici, tout est bleu, vert, argenté. Des nappes d'eau infinies où flottent des ruines oubliées, des piliers couchés, des arcs effondrés, des fleurs luminescentes. On ne sait pas vraiment où poser le pied. Il n'y a pas de chemin, juste l'eau et ce champ. C'est un lieu magnifique, mais malheureusement, il n'a rien d'accueillant. Chaque pas s'enfonce, chaque mouvement devient lent, engourdi. Et dans cette lenteur, l'ennemi frappe sans prévenir. Et ici, autant vous le dire, ce ne sont pas des rencontres honnêtes. Les créatures vivent sous la surface, dans l'ombre des eaux calmes. Elles nous guettent sournoisement, prêtes à surgir au moindre faux pas, ou dès qu'on leur tourne le dos. Les prêtresses, drapées de blanc, sont les plus redoutables. Elles ne bougent presque pas, immobiles comme des statues, mais leurs sorts sont perfides. Des flèches magiques à tête chercheuse qui s'abattent sur vous sans prévenir, vous fauchant à distance en un instant. Il suffit d'un battement de cils pour que l'on se retrouve à genoux. Et puis il y a les évêques, ces morts-vivants postés derrière les piliers brisés. Ils ne lâchent jamais leur proie. Ils nous pourchassent à distance, usant de magie noire avec une ténacité glaciale. Leurs attaques viennent de partout, sous l'eau, d'un recoin sombre, d'un angle mort. J'ai rarement été aussi prudent dans un lieu. Et rarement aussi lent également, et pourtant je suis déjà pas une flèche. Chaque pas pèse une tonne, chaque mouvement est une lutte contre la menace invisible. Ce n'est pas juste un défi d'endurance ou de force, non, c'est une épreuve d'attention constante. Mais au fond, c'est pas la difficulté qui m'a marqué ici, c'est le calme et la beauté surréaliste des lieux. Le sanctuaire est gardé par les mille Fanito. Elles chantent pour apaiser les morts, leur voix protège ceux qui écoutent. Littéralement, d'ailleurs, certains ennemis reculent, hésitent ou restent endormis tant qu'elles chantent. Même les invocations magiques semblent freiner dans leurs rayons. Elles ne parlent pas, elles ne fuient pas, elles restent assises là, comme figées dans un deuil sans fin. Des vestales du chant. Et à leur contact, eh bien, j'ai cessé de parler, et j'ai écouté, juste un instant. J'ai marché dans ce marécage lumineux plus longtemps que je ne l'aurais cru. C'était dangereux, mais je n'avais pas envie de quitter cet endroit. J'ai pris le temps d'écouter et de regarder. Ce que je ne fais plus vraiment depuis... Depuis que c'est arrivé, depuis que je suis là. Malheureusement, même ici, quelque chose veille, quelque chose de malsain. Au bout du sanctuaire, caché derrière un brouillard, tapis sous les ruines, une chose attend. Le démon du chant. Je ne l'ai pas vu tout de suite. D'abord, j'ai entendu le souffle, j'ai senti la chaleur. Une chaleur qui ne vient pas d'un feu, mais d'un corps. D'un corps trop gros, trop lourd pour cet endroit trop moche. Quand il est apparu, j'ai compris qu'il n'était pas censé être là. C'est une créature de cauchemar. Un amoncellement de chair fondue, de membres informes et de bouches qui ne parlent pas. Il n'a pas de visage, il est caché derrière une carapace de chair. Il n'a pas de nom, il n'a même pas de but. Il rampe, traîne, frappe au hasard, mais fort. Comme s'il cherchait à étouffer la beauté du lieu. Il est sale, moche, trop sale, tellement sale qu'il profane le sanctuaire rien que par sa présence. Le chant s'estompe quand il approche. Et je crois que c'est ça, le vrai combat. Non pas contre un boss, mais contre l'interruption de cette paix, contre la vulgarité d'un monde qui n'épargne rien, pas même les rares éclats de grâce. Le combat en lui-même est éprouvant, il ne court pas mais il comble l'espace, il écrase, il crache, il frappe comme une bête désespérée, prévisible mais désespérément tenace. Il faut tourner, esquiver, attendre qu'il nous montre son hideux visage. Je l'ai battu un peu comme lui, sans élégance, par usure, par entêtement, et je n'ai pas levé les bras en criant victoire, évidemment. J'ai juste respiré. J'ai regardé l'eau reprendre sa place autour du cadavre et j'ai écouté le chant revenir. Il ne s'était jamais vraiment arrêté, mais là, je l'ai entendu différemment, un peu plus fort, comme une reconnaissance muette, une paix retrouvée. Et moi, j'étais de nouveau capable d'avancer. Plus loin, j'ai retrouvé une Milfanito. J'y ai parlé, brièvement, et je crois qu'elle m'a remercié. Pas pour avoir tué, évidemment, mais pour avoir protégé. Pour avoir protégé la beauté de ce lieu. Et puis, un peu à la fin, j'ai trouvé un feu. Je l'ai allumé sans réfléchir par habitude. Mais cette fois, il n'y a pas eu de doute, pas de voix, pas d'interrogation existentielle, non. Juste du silence, une certaine forme de paix. Et j'ai compris que ce silence n'était pas vide. Il était plein. Plein de tout ce que j'avais ressenti jusqu'ici en marchant en ligne droite. De fatigue, de beauté, de lenteur, de chant et de danger. De cette certitude que, même dans un monde en ruine, il peut exister des lieux, des choses à préserver, non pas parce qu'ils ont un sens, mais parce qu'ils sont là, et qu'ils apaisent. Et je suis resté un moment près du feu. Je n'ai pensé à rien, et je dois reconnaître que ça m'avait manqué ces derniers temps, et ça m'a fait du bien.